Alors, en quoi la présence russe nuirait-elle ou nuit-elle aux intérêts de l'Occident, puisque là, maintenant, c'est tout l'Occident, puisque l'ONU s'en mêle, c'est les rapports aux onusiens qui arrivent. Alors, en quoi cette présence russe nuirait-elle à leurs intérêts en RCA? Bachir, La dernière fois que j'ai eu l'honneur, une fois encore, d'être invité sur ce plateau, j'ai dit pendant longtemps, la France a ressassé les oreilles des Africains en disant quelle était la France généreuse et civilisatrice. Mmh. Eh ben, aujourd'hui, je l'ai dit l'autre fois, la France n'est plus la France généreuse et civilisatrice, mais plutôt la France filouteuse. C'est un néologisme. Voilà, filouteuse et prédatrice. Mmh. Voilà ce qu'elle est. Un filou, Bachir, généralement, il ne perd pas à la lumière du soleil. C'est toujours en cachette. Eh bien, voilà que un pays du précaré a décidé de regarder ailleurs qu'à Paris. Et il a fait venir un nouveau partenaire dans le pays. Et pour le filou, dans le cas d'espèce, il vaut mieux pas qu'il y ait un spectateur. Bien sûr, l'argument qui est avancé du côté des Occidentaux, c'est remplacer la France par la Russie ne changera rien à l'histoire du pays, donc au destin des Africains. Non, nous on dit, quand on a été mangé à une sauce, eh bien, on essaye une autre pour voir quelle est la différence de goût. Et puis, je rappelle que la France tient son précaré par des accords léonins, indicibles, inqualifiables, qui fait que 15 pays souverains ont confié le pouvoir de gérer leur monnaie à une puissance étrangère qui n'est ni frontalière avec eux, qui n'a rien de commun avec eux. Mmh. Eh bien, et ça c'est parce que ce n'était pas suffisant, la France a veillé à ce que après avoir supprimé tous les opposants africains qui étaient capables de lui tenir tête, eh bien, elle confie le pouvoir à des personnes à qui elle pouvait, dont elle pouvait tenir la main pour rédiger les accords qu'ils ont malheureusement signés. Et ces accords sont pires que léonins. Ils sont simplement des accords filous. Parce que quand la France se retire en 1960, elle dit « Je vous ai civilisé, j'ai investi chez vous, vous allez payer la dette coloniale. » Personne ne connaît le montant. Personne ne connaît la base sur laquelle cette dette a été évaluée. En plus, comme vous êtes des nègres, que vous ne savez pas faire le management, je vais également gérer votre monnaie. Et je vais m'en porter garant. Bachir, c'est le seul cas de l'histoire, c'est le seul cas statistique au monde où un pays souverain dit à un autre pays souverain, tu vas garantir ma monnaie. Mmh. Des personnes normalement constituées, saines d'esprit, comme disait feu le président Ahidjo, n'auraient jamais accepté ça. Mais les pauvres, ils avaient le pistolet à la tempe et ils ont signé n'importe quoi. Alors, aujourd'hui que, un peu grâce à Afrique Média, hein, tout l'univers, c'est toutes ces manigances-là. Je peux vous assurer de ce que les pays nordiques, à partir du Danemark, en montant, mais ils ne comprennent pas comment un pays peut faire ça à d'autres pays souverains. On voit comment les premiers ministres ou chefs de, je ne sais pas, ils ont une autre désignation, italiens, s'indignent régulièrement de ce que la France accapare de la monnaie des Africains. Alors, vous comprenez que dans ce cas-là, accepter une coopération avec une autre puissance qu'elle-même, eh bien, c'est apporter des témoins pour assister aux banquets sinistres. Et c'est pour ça que, pour la France, il faudrait que les 15 pays concernés, quand j'ai dit 15, je parle des 14, les plus les Comores, oui, que les 15 pays concernés se laissent, n'est-ce pas, raser le crâne et devenir chauves comme moi-même, simplement en cachette, en applaudissant de deux mains, en disant merci à la France, merci aux civilisateurs, merci à la générosité française. Eh bien, les choses sont en train de changer, Bachir. Et à propos du Mali, tout à l'heure, nous en redirons quelque chose. On en parle. Afrique Média, le monde, c'est nous.